Quand on était petit, mon papa, notre papa, il nous racontait, on ne sait pas, à un moment donné, on se trouvera dans la vie, dans quel pays, Dieu sait où, on ne sait pas. Mais alors, si vous voulez connaître le pays véritablement, mangez-le et chantez-le. Alors là, je mange le papé vaudois et je chante dans le cœur mixte. Voilà, il n'y a pas plus beau qu'un chant qui chante des louanges de la montagne, des montagnes, des prairies, des fleurs, des oiseaux, tout ça, c'est tellement magnifique. Et puis alors là, la rue que vous avez passée tout à l'heure, c'est la Mèbre, mais à présent c'est la Ville de la Poste. Ça s'appelait la Mèbre d'en haut, des Verdeaux, jusqu'en bas au train. C'était très amusant avec les enfants qui nugeaient comme ça. À l'époque, ils nugeaient beaucoup en plaine. Et puis après, ma foi, ils ont voulu faire comme il faut la venue de la Mèbre. Alors ils l'ont refait, c'était la venue de la Mèbre. Et puis alors, des années plus tard, 60, 60 et 70, si je ne me trompe pas, ils ont fait la 151 déviée, l'actuelle 14 avril. Et puis alors là, ils sont coupés en deux. C'est dommage. Alors, celle-ci, elle est devenue avenue de la Poste, parce qu'il y avait la Poste qui voulait s'installer. Et puis alors, après la place du marché, et puis jusqu'à la rue de Lausanne, c'est quand même la même. Il y avait des bagarres. Puis c'était assez bête. Il avait un cinéma qui s'appelait Les Lumens. Alors ça, c'est Crissier. Et l'autre trottoir, c'est Renan. Alors chaque fois qu'il avait une bagarre, ou peut-être... Alors il disait toujours à Renan. Et puis mon mari, il avait écrit à M. Paula, qu'il était journaliste pendant de longues années à la Feuille d'Avis. Il lui a dit, pour l'amour du ciel, prenez comme il faut la géographie. Ce n'est pas Renan. Renan, il a une réputation, mais ce n'est pas là. C'est Cuissier qui a eu ça. J'avais mon beau-père, qui est devenu mon beau-père. Il était médecin ici à Renan. Et puis alors, il était en même temps vice-président de la Croix-Rouge internationale à Genève. Et alors, il m'a dit, venez à midi manger parce que j'ai un farfouru à table. Et puis alors, j'ai fait la connaissance d'un homme extraordinaire. Il voulait que la Croix-Rouge mette à disposition des hélicoptères ou des avions, je ne sais pas quoi, pour aller chercher des enfants au Vietnam, etc., brûlés. Le but, c'était sauver des enfants. Et puis voilà, c'était Edmond Kayser. Et puis alors, c'était Terre des Hommes. Et puis je suis partie plusieurs fois à l'Extrême-Orient, en Algérie, etc., pour amener, chercher des enfants ou amener des enfants une fois guéris pour la convalescence. Et puis après, on les rentre au pays où il y a des enfants comme ça qui sont adoptés ici, etc.